la haine et jusqu'au bout de moi-même. Le sang français qui circule en moi me conseille malgré moi de sauver les apparences et me dicte la prudence. Alors, lequel est de choisir? Celui qui va trop loin, celui qui me retient. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'adore les voitures hyper rapides et tous les petits bolides qui me font prendre des risques et monter l'adrénaline. J'adore dormir pendant la journée et regarder la télé. C'est sûr, c'est moins dangereux, mais ça fait vivre un plus vieux. Alors, que faire de ma vie? La vie va sans hasard pour éviter du malheur. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. Alors, que faire de ma vie? La vie passe sans à l'heure pour éviter les malheurs. J'aime jouer avec le feu.